nationalité, ni par la ville où j'habite ou celle où j'ai habité. Je ne me définis pas par mes ancêtres, qu'étaient-ils en fait? Qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi serais-je fier de là où je viens? Ou bien honteux, je n'y suis pour rien. Je ne me réclame d'aucune idéologie, d'aucun parti, d'aucune communauté, d'aucune doctrine. Je ne me sens bien sous aucune bannière. Je vois les slogans, les pancartes comme des barrières. Le « que fais-tu dans la vie » est pire qu'une obsession. Pourtant je ne me définis pas par ma profession, ni ma confession. Car mes croyances comme mes non-croyances portent des parcours qui sont les leurs. Et j'avance sans l'heure, ni indication, n'ayant ni appartenance, ni destination. Identité dissoute, je suis de ceux qui doutent. Par les temps qui courent, je ne me reconnais dans aucun discours. Identité dissoute, je suis de ceux qui doutent et ne me reconnais dans aucun discours. Sans passion, noyé dans la cohue, certains diront que ma génération est dissolue. Je n'ai pas de conscience de classe, combien sont dans ce cas au sein des entrelacs. Je ne suis qu'une quantité négligeable pour tout outil qui voudrait me saisir. J'ai l'identité abolie, je ne suis qu'un anonyme bercé par l'anomie en quête d'harmonie. Mon voisin m'est différent, mais il ne m'effraie pas. L'identité est ambivalente, car le soude me sépare. Et si le nombre fait la force, je suis impuissant. Et si l'identité est un facteur de résistance, je suis à l'abandon. Pourquoi se battre en retraite? Je n'ai pas d'attente, ni de lutte, ni de rêve. Pourquoi veux-tu que je lève le glaive? Je n'ai ni ennemi, ni révolte. Je traîne dans une masse en dénominateur commun. Comment? Alors veux-tu qu'une cohésion commence? Je n'aime pas être étiqueté, car je n'aime pas être dicté, non voisin. Je préfère rester crypté, s'il faut diviser pour mieux régner ici. Sache que rien ne nous divise, car rien ne me définit. Mon identité dissoute, je suis de ceux qui doutent. Par les temps qui courent, je ne me reconnais dans aucun discours.